89.1. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévision, nouvelle de dernière heure, la chaîne Prise 2 ramène Bleu Nuit. Avec la vague de nostalgie qu'on a, je me demande si un jour on va vouloir ramener Call TV. Dans Merci Science, une technique d'impression 3D de tissu humain grâce au laser. J'espère qu'un jour on va pouvoir faire imprimer de la peau de poulet mangeable puis de la sauce. Et dans le segment Geek Célix, les femmes seraient meilleures que les hommes en programmation. Le Mathieu Planchot commence tout de suite. Et voici celui qui admet son infériorité en programmation, mais qui remplit très bien la programmation de ses fous. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 15 février 2016, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine Merci Science et le segment Geek CNX. On a aussi cet effet télévision à la fin de l'émission à faire. On a du temps à rattraper. Mais pour commencer l'émission, on écoute un peu de musique chiptune, comme on le fait toujours, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et pour commencer l'émission de cette semaine, je vous ai trouvé une chanson extrêmement cheesy. Ça sonne très, très boys band. C'est par DJ Cutman. Et c'est une chanson qui rend hommage au boss, hein, au grand monstre dans les jeux vidéo. C'est un remix du single de Big Bad Bosses, I'm the Boss, avec des personnalités YouTube dont Nate Wants to Battle, Suchbacks Goods, The Completionist, qu'on adore ici, et Alex Fasciane, donc qui vont jouer les rôles différents de ces garçons de boys band. C'est très, très années 90 et 2000. C'est produit par Jake Vert Kaufman. Produit aussi par DJ Cutman après la sortie de l'album. Donc voici DJ Cutman et I'm the Boss. Au Mathieu Plante Show. On s'y fout. Everyone here knows I'm De Niro. Stomp 1, 2, 3, 4, hero. Imhotep. Players run when they see me on a mic check. I got spikes that'll make a dude's life wreck. Hey ladies, I'm Sefi. Give me your digits, phone getting heavy. I'll pick it up, we can see what we start. I might just break your heart. Ain't never easy, be sleazy, but I get by. I'm in my element, what I make a baby cry. If you ever try to cross me, there'll be hell to pay. So stay out of my way. You know what? Don't. I'm the boss. I'm the boss. Le projet Big Bad Bosses de Gerard Khalil, aussi connu sous le nom de The Completionist. Donc c'est un band de comédie, un boys band de comédie. Et c'est le compositeur, Vert, le gars qui a travaillé à la production, c'est le compositeur pour le jeu Shovel Knight. C'est lui qui a écrit et produit la musique. Et puis ils ont masterisé ça, ça s'est rendu jusqu'au numéro 1 de la section Billboard Comedy. Et ça c'est le remix, un petit peu plus pop, plus radio. Le gars il a essayé de travailler sur les effets sonores pour essayer de sonner le plus radio possible pour de la comédie. Dans le fond, c'est le fun quand même. DJ Cotman, donc I'm the boss remix of Big Bad Bosses. Vous êtes au Mathieu Plancho, hein, clairement, et voici Television, Television. C'est Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télé, bien sûr, des 7 derniers jours, tout ce qui s'est passé en télé. Commençons par le Québec, en fait. On parle pas énormément de choses du Québec parce que c'est des nouvelles que vous avez certainement vues circuler. Mais la plus intéressante vient juste de sortir dans la dernière heure. C'est à partir du 12 mars à 23h que le retour de Bleu Nuit va s'effectuer sur Prise 2. La chaîne pour les nostalgiques nous a fait sourire ce matin en annonçant ajouter à sa programmation Souvenir les samedis de cinéma Bleu Nuit qui avait l'habitude de passer à TQS il y a plusieurs années de ça. Donc, on va présenter des films sensuels et érotiques à Prise 2 les samedis soirs dès le 12 mars prochain. Entre autres, Histoire d'eau, considéré comme le film qui a changé la représentation de l'érotisme au cinéma en 75. Le dernier tango à Paris, réalisé par Bernardo Bertolucci, qui a été en nomination aux Oscars de 74 et met en vedette Marlon Brando, un film qui a fait l'objet de scandales et d'attaques très vives à sa sortie en 72. La fièvre au corps, Body Heat, un thriller érotique tourné en 81 avec Kathleen Turner et William Hurt qui forment un couple tout simplement électrique. Emmanuel 4, un prénom synonyme de sensualité pour plusieurs. Aimez-vous, aimez qui vous voulez ou Happy Few, un drame érotique de 2010 se côtoie, coup de foudre amoureux et passion intense. La chaîne présentera également entre autres la comédie québécoise Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer et Éternel, un suspense érotique canadien mettant en vedette Caroline Néron. Voilà une nouvelle de showbiz.net. Le retour de Bleu Nuit à partir du 12 mars à Prise 2. Louis Morissette va jouer dans une série sur Série Plus. On n'en parlerait pas si c'était sur un grand réseau, mais dans ce cas-ci, comme c'est à Série Plus, un petit peu plus alternatif. Il va jouer un avocat aux côtés de Magali Lépine-Blondeau, ma préf de Forever and Ever, Émile Procloutier et Fabien Cloutier, trois collègues de la comédie Boomerang à TVA. Jacques Drolet co-signe les textes avec le réalisateur Jean-François Asselin. Les deux avaient travaillé ensemble sur la comédie François en série que j'ai absolument adoré et que je vous conseille énormément aussi pour Série Plus. Donc après une rupture difficile, Philippe Girard, joué par Louis Morissette, verra sa vie prendre un tout autre tournant grâce à Plan B, une entreprise qui offre la possibilité de revenir dans le passé pour corriger ses erreurs. Tu sais, science-fiction, un peu comme François en série où on voyait l'intérieur de François se décupler dans sa vraie vie. Donc tout le temps un petit aspect impossible et improbable que j'adore. Plan B ne sera pas une comédie, mais bien un suspense psychologique, encore mieux. En plus d'en être la vedette, Louis Morissette produit la série de 6 épisodes seulement chez KO TV qui est prévue pour 2017. C'est certain que je vais voir ça. Plan B à Série Plus. Tout aussi intéressant, c'est Télé-Québec qui met la chanson francophone de l'avant. À la suite de la proposition de documentaire portée par Louis-Jean Cormier et Ariane Moffat, ayant pour objectif de sensibiliser le public aux effets de la consommation de musique gratuite sur la survie de l'industrie locale, Télé-Québec met la chanson francophone à l'honneur au sein de sa programmation 2016-2017. Selon une analyse de l'industrie québécoise de la musique effectuée par la Disque en 2014, les ventes d'albums physiques sont en baisse constante chez nous. Au Québec et au Canada, entre 2012 et 2013, la hausse des ventes numériques n'a pas compensé en termes d'unités la baisse des ventes d'albums physiques pour cette période. Aussi, entre 2005 et 2013, le marché aurait chuté de 50% au niveau des ventes d'albums. Afin de soutenir l'industrie de la musique québécoise, Télé-Québec, en collaboration avec les producteurs de ses émissions, fera donc de 2016-17 une année s'inscrivant sous le signe de la chanson francophone. Pour ce faire, la chaîne publique à vocation éducative et culturelle diffusera cet automne, durant la période de festivités entourant le gala de la disque, le documentaire La musique à tout prix de Dominique Lawrence. Louis-Jean Cormier et Ariane Moffat porteront le projet et iront sur le terrain pour rencontrer différents intervenants de l'industrie de la musique. Aussi, le télédiffuseur encouragera les émissions diffusées à son antenne à faire jouer des chansons francophones issues d'artistes du Québec et du reste du Canada durant leur générique d'ouverture. Une façon tangible de faire découvrir les talents d'ici. Une trentaine d'émissions apporteront ainsi leur soutien aux artistes de la belle province et des autres provinces du Canada. C'est sûr que c'est une très bonne idée. En même temps, ça abrime un petit peu la liberté d'expression de l'émission qui peut choisir sa propre chanson thème. J'imagine que de toute façon, la chanson était peut-être imposée ou au moins approuvée ou désapprouvée par le réseau, même si c'était une chanson en anglais. Donc bon, de devoir mettre une règle de plus, de dire non, je la prends pas parce qu'elle est en anglais, je trouve quelque chose en français. Bon, c'est peut-être un petit prix à payer pour avoir une émission à Télé-Québec. Et de toute façon, à Télé-Québec, ça dure un an ou deux, puis tu te fais retirer les ondes, fait que ça change pas grand-chose. Ensuite, on y va avec, la troisième saison des Mystérieuses Cités d'Or, bientôt à Télé-Québec. Oui, qui a annoncé l'acquisition des droits de la troisième saison de la série Les Mystérieuses Cités d'Or. Alors qu'en Europe, la troisième saison sera diffusée par TF1, RTBF et Télétoon Plus, Télé-Québec en sera le seul diffuseur au Québec. La série sera présentée pendant les fêtes de 2016. La date officielle de diffusion n'a pas encore été confirmée. Diffusée il y a 2 ans à l'origine, la suite des fabuleuses aventures d'Esteban, Tao et Zia a su rallier une nouvelle génération de jeunes, plus de 30 ans après la diffusion de la série originale au Québec. Produite par Blue Spirit Productions en France, fabriquée par le studio Blue Spirit Canada à Montréal et réalisée par Jean-Luc François, la série reprendra exactement là où la deuxième saison nous avait laissé. Dans cette nouvelle saison de 26 épisodes, nous retrouverons le jeune trio et leurs inénarrables compagnons alors qu'ils exploreront le Japon. Fidèle à la série originale, chaque épisode se terminera avec un court documentaire présentant un aspect de la culture rencontrée. Les 3 premiers épisodes de cette troisième saison seront d'ailleurs diffusés en primeur le lundi 29 février dès 11h50 au cinéma Beaubien dans le cadre du Festival international du film pour enfants de Montréal. Le réalisateur Jean-Luc François sera présent pour l'événement. Télé-Québec fait une place de choix à une programmation pour enfants. On sait, année après année, c'est ce qui fait leur grand succès. Mis à part son incontournable ciné-cadeau, on compte parmi ses émissions les plus populaires La Patte Patrouille, Mini Ninja, Suito Texto, Alvin et les Chipmunks, Les Argonautes et Salmi Gondi. Celle-ci domine le top 10 des émissions régulières jeunesse les plus regardées par les enfants de 2 à 11 ans. Maintenant, on passe au Canada en général. Les députés se pencheront sur la crise des médias locaux. Un comité parlementaire est sur le point de s'attaquer à un problème qui frustre le gouvernement fédéral depuis des décennies. Comment soutenir les médias locaux et s'assurer que les citoyens aient accès à du contenu canadien? Les députés siégeant au comité du patrimoine canadien se lancent dans une étude majeure sur la façon dont les Canadiens obtiennent leurs informations sur les communautés et sur leur communauté et leur région. L'impact de la concentration des médias et la façon dont l'espace digital, donc numérique, se ferait une place dans tout ça. Ils occuperont au moins 10 rencontres à écouter des témoins du monde des médias numériques, de l'écrit, de la radio et de la télé, ainsi que d'autres institutions culturelles. Une autre série de fermetures de salles de nouvelles et les ennuis financiers de grands médias canadiens ont créé de l'intérêt envers la façon dont les législateurs peuvent aider le journalisme canadien à survivre. La présidente du comité, la députée libérale Ellie Fry, affirme qu'elle est confiante que le comité puisse stimuler des actions définitives, même si les études parlementaires similaires sur le sujet sont assez nombreuses pour remplir une étagère. Le porte-parole du NPD en matière de patrimoine canadien, Pierre Nantel, accueille favorablement l'étude et est d'avis qu'il sera particulièrement important de voir comment les minorités linguistiques sont servies par les médias canadiens. Un article avec quelques mots d'opinion quand même de la presse canadienne. Ensuite, un grand retour, on passe aux États-Unis en passant pour parler de Betty Boop. Retour prévu pour 2018. Betty Boop, célèbre pin-up des années 30, reviendrait sur le petit écran à l'horizon de 2018. La première héroïne de dessin animé sera présentée aux plus jeunes à travers une série de 26 épisodes. Producteur des séries télé de Snoopy, les Français de Normal Animation collaborent avec les studios Fleischer, qui ont donné vie à Betty Boop dans les années 30, et King Features. Le studio français prendra en main le financement, mais aussi la diffusion de cette nouvelle série dans le monde entier. La résurrection de Betty Boop vise à faire connaître auprès de la jeune génération, les pré-ados et les adolescents, cette héroïne. La petite brune aux grands yeux leur sera présentée dans ses plus jeunes années. Les téléspectateurs suivront son quotidien au cours duquel elle se bat pour monter sur scène et s'imposer en tant que vraie star. Mark Paul Gosselaar est encore de retour à la télé. On dirait qu'il y a souvent des retours pour ce gars-là. Ses séries se font enlever les ondes une fois de temps en temps. Bref, l'ancienne star de la série pour adolescents sauvée par le gong, sinon Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar participera à un pilote de la chaîne Fox baptisé Pitch, annonce Deadline. Mark Paul Gosselaar incarnera un joueur de baseball professionnel populaire et charmant. L'arrivée d'une nouvelle recrue, Jeannie, première femme à jouer dans les ligues majeures, va changer sa vie aussi sur le terrain qu'en dehors. Cette dernière sera interprétée par Carly Bunbury, qu'on a vu dans Le Dôme. Pitch marquera le retour au petit écran de Mark Paul Gosselaar, devenu star de la télé dans les années 80. Il est également apparu dans les séries New York Police Blues, ça c'est NYPD Blue dans les années 2000, et Franklin and Bash arrêté en 2014 sur TNT. Il y avait aussi eu une sitcom sur NBC à l'automne dernier qui vient d'arriver 2015. Dont le nom m'échappe. Tellement ça a passé inaperçu tout ça. People Are Talking, je crois. Oui, People Are Talking. C'était le nom, ça n'a pas duré longtemps. La série Rock'n'Roll de J.J. Abrams, The Roadies, s'en vient pour le mois de juin, produite par J.J. Abrams et écrite par le réalisateur Cameron Crowe. La nouveauté de Showtime, Roadies, se montrera à partir du 26 juin à l'antenne. Pour ses premiers pas à la télé, Cameron Crowe décrit l'univers d'un groupe de rock en pleine tournée à travers les yeux de ses techniciens, surnommés les Roadies. Luke Wilson, Carla Gugino, Imogene Poops. Wow! Imogene Poops! Tu parles un nom de... de bizarre. Peter Gambor, Rafe Spall et Keisha Castle Hughes participent à cette série musicale produite donc par J.J. Abrams. Réalisateur de Jerry Maguire, Un ciel couleur vanille ou encore Welcome Back, Cameron Crowe signe le scénario et la mise en scène du premier épisode dévoilé le 26 juin prochain sur Showtime. Vous pouvez aller voir la bande-annonce sur assemblagerequis.com. Damon Wayans jouera dans la version télévisée de L'Arme Fatale. L'acteur américain Damon Wayans, connu pour sa série Ma famille d'abord, My Wife and Kids, reprendra le rôle tenu par Danny Glover dans l'adaptation du célèbre film des années 80 et 90 selon Variety. Fox tentera donc la Fox tentera de transformer la saga L'Arme fatale en série télé pour la rentrée 2016. L'épisode pilote commandé par la chaîne mettra en scène un policier qui quittera son Texas natal pour prendre un nouveau départ à Los Angeles après la disparition de sa femme et de leur bébé. Il fait alors la rencontre de son coéquipier qui vient de subir une légère crise cardiaque. Damon Wayans, père de famille dans la comédie de situation Ma famille d'abord, campera le rôle du coéquipier qui s'apparente à celui de Roger Murtaugh, tenu par Danny Glover. Tenu par Danny Glover dans les quatre films. Celui de Martin Riggs, joué par Mel Gibson, n'a pas encore été attribué. Le pilote se tournera sous la direction de Maggie de Terminator Redemption, qui se substituera à Richard Donner, le réalisateur des films sortis entre 89 et 98 au cinéma. Justement, parlant de cinéma, le film Salt devient une série télé. Après Frisson, Le Transporteur ou encore Evil Dead, Salt, le film d'espionnage avec Angelina Jolie, va être adapté à la télé. Réalisé par Philip Noyce en 2011, le long métrage aurait dû connaître une suite sur le grand écran. Finalement, Sony lui a choisi un autre format. On y suivra les aventures d'Evelyn Salt, un brillant agent de la CIA, interprété par elle-même, Angelina Jolie, qui, après avoir été accusée d'être une espionne au service de la Russie, devra fuir et brouiller les pistes. Le projet est actuellement présenté à l'European Film Market de Berlin pour trouver un diffuseur. MTV News est de retour. Oui, MTV News, la portion nouvelle de MTV, ceux qui veulent encore une fois ramener les trucs du passé à la télé, c'est comme ça. On a engagé chez MTV plusieurs journalistes, dont des vétérans de Grantland et The New Republic, pour ramener l'organisation de nouvelles de la chaîne câblée de Viacom. Donc sachez que c'est le cas, et l'article est très très long, je vous en passe les détails, mais on s'imagine quelque chose que podcast, vidéo web, contenu court-métrage, un peu pour faire, faire concurrence à Vice, qui est très populaire en ce moment avec sa chaîne de télé Viceland et la chaîne YouTube de Vice Media. Toujours dans le ramenage de trucs américains, les Nicktoons classiques s'en vont au grand écran dans un mash-up cinématographique. Jared Hess, qu'on connaît pour Napoleon Dynamite et Nacho Libre, va réaliser Nicktoons basé sur les populaires dessins animés de Nickelodeon, selon un représentant de Paramount Pictures. Ça a été confirmé à Polygon. Son collaborateur de longue date, Jerusha Hess, va coécrire le projet qui est présentement en développement. Nicktoons va mettre en vedette des personnages de différentes dessins animés, voilà, des années 90, des émissions comme les Razzmoquettes, Rugrats, Rocko's Modern Life, qu'on connaît moins ici, et Ren and Stimpy. Donc ça va être un film à la Nickelodeon, comme tous leurs films qu'ils ont fait avant, mais ça va mélanger du cartoon avec du live action, donc avec des humains, un peu à la Who Framed Roger Rabbit, selon Paramount. Le projet arrive au moment où il y a de plus en plus d'intérêt vers la cinématographie, télé, comment, la discothèque d'émissions de télé, là, bref, vous savez ce que je veux dire, de Nickelodeon, parce qu'il passe des reprises de de vieux dessins animés comme Hey Arnold dans leur bloc sur Teen Nick. Oui, c'est ça, Teen Nick. Hey Arnold, d'ailleurs, apparemment un nouveau film basé là-dessus qui s'en vient. Mais bon, on parle pas de film, on parle de télé ici. C'est Television. C'est la fin pour la série Unforgettable. La chaîne câblée A&E a annoncé l'annulation de la série Unforgettable après 4 saisons. Annulée déjà 2 fois par CBS avant d'être sauvée par A&E l'an dernier. La série est diffusée sur TF1 en France, mais CBS et A&E. La 4e saison de la série policière qui suivait les aventures de Carrie Wells, une femme à la mémoire photographique alliée de la police sur différentes affaires de meurtre, s'est achevée en janvier. Les 4 derniers épisodes ont été diffusés lors de la même soirée. Unforgettable avait réuni 14 millions de téléspectateurs en 2011 à son lancement. Et avant de voir ses cotes s'éroder, un peu plus de 1 million de fans seulement ont suivi cette ultime saison sur une chaîne câblée. Homer Simpson va répondre en direct aux fans le 15 mai prochain sur la chaîne américaine Fox. Le personnage d'Homer Simpson prendra vie pour répondre en direct aux questions des fans lors d'un épisode. Les scénaristes de la série Les Simpsons ont imaginé un concept inédit et original après 27 saisons sur le petit écran. Le personnage d'Homer va répondre en direct aux questions des téléspectateurs sur la Fox, délaissant pour cet épisode sa petite famille. Pour donner vie au personnage de dessin animé, la voix légendaire de Homer aux États-Unis, Dan Castellaneta, sera équipé de capteurs pour l'animer en direct par un procédé de capture de mouvement. Donc, j'imagine un graphisme un petit peu plus en 3D, peut-être moins dessin animé, à moins qu'on ait réussi à faire avancer la technologie là-dessus. Bref, les fans pourront tenter de poser une question à Homer en utilisant le hashtag MoClickHomerLive sur Twitter entre le 1er et le 4 mai. Daniel Craig sera-t-il vedette d'une prochaine télésérie ou série télé américaine? L'acteur pourrait bel et bien finir avec l'agent 007 en devenant la tête d'affiche d'un projet télévisé écrit et réalisé par Todd Field, qu'on connaît pour Les Enfants de cœur et In the Bedroom, selon le site Deadline.com. Plusieurs chaînes télévisées, dont Showtime et FX, mais également la plateforme de vidéo sur demande Netflix, seraient actuellement en négociation pour obtenir les droits de cette série composée dans un premier temps de 20 épisodes. 20 épisodes, bref. Basé sur le roman Purity de Jonathan Franzen, qui participera également au scénario, l'intrigue se concentre sur une jeune femme surnommée Pip Tyler, sans but réel dans la vie, dont les rencontres l'amèneront des États-Unis en Amérique du Sud. Après une décennie passée dans le costume de James Bond, Daniel Craig pourrait donc s'apprêter à tourner la page. En passant, ce serait pas son premier rôle dans une série. Ce serait son premier rôle dans une série américaine, mais pas à la télé en général. Il était apparu à la télé britannique. Will Arnett présente une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Flaked. Netflix a publié la bande-annonce de sa nouvelle comédie incarnée par Will Arnett, l'acteur de Arrested Development. La série est intitulée, comme je disais, Flaked. Lui qui signe les 8 épisodes de cette nouvelle série Netflix en collaboration avec Mark Chappell. Les deux hommes avaient déjà d'ailleurs travaillé ensemble pour The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. Et ce n'est pas la première fois que l'acteur apparaît sur Netflix. En fait, c'est une de leurs têtes d'affiche. Il était de la distribution, comme j'ai dit, de Arrested Development, en français Les Nouveaux Pauvres, relancé par la plateforme de vidéo. Dans Flaked, Will Arnett devient Chip, un gourou autoproclamé de Venice en Californie qui tombera amoureux de la nouvelle femme de son meilleur ami. Afin de maintenir les apparences, il s'empêtrera dans une série de mensonges Flaked sur Netflix. Apple se lance dans la production série, même si le titre n'est pas exact. On va quand même en parler pour démystifier un petit peu le sujet. Le groupe informatique américain Apple se lance dans la production originale avec une première série télé autour du rappeur Dr. Dre. Le rappeur cofondateur de Beats Music et qu'Apple avait racheté il y a 2 ans va jouer et produire Vital Signs, une série semi-autobiographique en 6 épisodes décrite comme un drame sombre ne manquant pas de violence et de sexe. Apple finance la série qui va être probablement distribuée, en fait pas probablement, c'est vraiment ce qu'on a dit sur Internet, via Apple Music. C'est comme une façon de faire de la pub pour Apple Music, selon le Hollywood Reporter, qui n'a pas en revanche pu déterminer si le boîtier de streaming Apple TV, la boutique iTunes ou une autre plateforme de la marque pourrait avoir un rôle à jouer, fort certainement. Contacté par l'agence France Presse, Apple n'a pas voulu rien dire, en date, je crois, d'hier. Dr. Dre avait été recruté par Apple au moment du rachat de Beats, en même temps que l'autre cofondateur de cette entreprise, le producteur Jimmy Iovine, considéré comme un visionnaire dans l'industrie musicale, car il avait été l'un des premiers à décerner la tendance des consommateurs à basculer vers des abonnements leur permettant d'écouter de la musique en ligne, en streaming, au détriment des achats de titres sur CD ou téléchargement. Voilà les détails sur assemblagerequis.com. C'est tout pour Television. On écoute un peu de chiptune encore. On s'en va entendre un single rock. Pourquoi pas, du rock, de TTB. Voici la pièce Trump MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. We'll be right back. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'artiste s'appelle Deco, la pièce Groovy, et il fait high gain. Et fait intéressant, c'est sa première chanson à Deco. Première fois qu'il crée une chanson, il s'adonne quelque chose d'aussi accrocheur que ça, j'adore. Groovy, par Deco. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec un pas de plus vers des lentilles de contact à réalité augmentée. En utilisant un film polymère biocompatible, des chercheurs australiens ont créé un prototype de lentille de contact conductrice d'électricité. Cette avancée, qui n'est encore qu'une preuve de faisabilité, ouvre la voie à l'intégration d'un système d'affichage ou de capteurs pour surveiller certains biomarqueurs à des fins médicales. Nombreux sont les travaux de recherche autour des lentilles de contact pour tenter d'en faire des outils de diagnostic médical, des systèmes d'affichage, de réalité augmentée ou de vision nocturne. Il y a quelques années, on évoquait des lentilles de contact pour voir comme Terminator. Et plus récemment, des chercheurs ont réussi à intégrer une LED, une lumière LED, sans altérer la transparence et la souplesse de la lentille grâce à une structure hybride faite de nanofils d'argent et de graphène. Ajoutons à cette liste non exhaustive des lentilles dotées d'un zoom pilotable et en un clignement d'œil, ou encore celles sur lesquelles planche Google pour mesurer la glycémie. L'un des défis les plus ardus que les scientifiques ont à relever est de pouvoir intégrer des circuits électriques susceptibles d'alimenter l'électronique nécessaire à ces prouesses. La preuve de concept que viennent de présenter les chercheurs de l'Université d'Australie-Méridionale pourrait bien apporter une solution décisive. Dans un article publié par la revue Applied Materials and Interfaces, ils expliquent avoir mis au point un revêtement transparent et biocompatible capable de conduire l'électricité. Ceci ouvre la possibilité de concevoir des circuits électriques pour alimenter des écrans miniaturisés ou différentes sortes de capteurs à des fins de diagnostic médical. L'équipe s'est appuyée sur ses travaux antérieurs dans le développement d'un revêtement réfléchissant qui permet de remplacer le verre des miroirs des rétroviseurs automobiles par du plastique et de créer du vitrage filtrant la lumière. Pour concevoir la lentille conductrice, les chercheurs ont commencé par la traiter au plasma afin d'obtenir une adhérence optimale du film polymère PEDO, PEDO, pour polymère conducteur de type P, constitué de monomères 3,4-éthylène-dioxo-thiophène, voilà, ou de LEDOT, qu'ils ont déposé sur la surface. Le revêtement est à la fois hautement conducteur et biocompatible. Le prototype fait office de preuve de faisabilité. Il ne s'agit que d'une première étape. La prochaine avancée va consister à développer les technologies complémentaires pour lire les informations transmises par les polymères conducteurs. À plus longue échéance, l'intégration d'un circuit électrique pourrait potentiellement servir à faire fonctionner un système d'affichage LED pour lire du texte ou projeter des informations en réalité augmentée, mais il reste encore de nombreux obstacles à surmonter, notamment faire en sorte que ce type de lentille puisse laisser l'œil respirer afin de ne pas endommager la cornée. Autre défi majeur, trouver le moyen d'alimenter cette électronique, possiblement via des ondes radio. L'intégration de Google Glass dans une paire de lentilles n'est sans doute pas pour tout de suite, mais l'on s'en rapproche un peu plus, nous dit Futura Science. Maintenant, dans Le Devoir, comment mesurer l'intelligence de Fido? Des chercheurs britanniques ont mis au point une série de tests permettant de mesurer l'intelligence des chiens et son rapport avec leur santé, selon un rapport. Les chercheurs de la London School of Economics et de l'Université d'Édimbourg ont testé 68 Border Collies, premier pas dans la mise au point d'un test de QI vraiment fiable pour les chiens. Ils ont construit une grange spécialement pour mesurer leur capacité d'orientation, leur vitesse et leurs aptitudes à suivre des indications gestuelles. L'un des tests effectués avec des chiens actifs dans des fermes du pays de Galles consistait à se frayer un chemin jusqu'à de la nourriture visible mais située derrière une barrière. Un autre mesurait la rapidité avec laquelle le chien allait choisir entre la pluie garnie de deux gamelles. Les chercheurs soulignent qu'il est plus facile de mesurer les différences d'intelligence et la relation entre longévité et intelligence chez les chiens que chez les humains, en l'absence de facteurs brouillant les lignes comme l'alcool, la cigarette et le milieu socio-économique. Les chiens développent tout comme leur maître de la démence sénile dont les résultats peuvent être comparés à sur... Non, pardon. Les chiens développent tout comme leur maître de la démence sénile, donc les résultats peuvent être comparés à sur les chercheurs dans leur étude publiée par la revue Intelligence. Cette étude fournit des informations cruciales sur la relation entre l'intelligence et la santé, le vieillissement et la mortalité. La recherche pourrait fonder une épidémiologie plus cognitive, un peu comme cognitive. Les chiens sont excellents pour ce genre de travail parce qu'ils veulent participer et ils ont même l'air contents. Natalité maintenant, pourquoi le nombre de jumeaux a doublé en 40 ans? Une étude montre que le nombre de naissances gémellaires a quasiment doublé au cours des 40 dernières années dans les pays développés. Les principales causes sont l'âge des mères et le recours à la procréation médicalement assistée qui augmente, les PMA. Il existe des familles à jumeaux où les naissances de jumeaux sont plus fréquentes en raison de facteurs héréditaires. Cependant, ces prédispositions génétiques ne peuvent expliquer l'augmentation du nombre de naissances gémellaires enregistrées ces dernières années. Les grossesses gémellaires représentent un risque pour la santé de la mère et des enfants car elles augmentent le risque de diabète gestationnel, de pré-éclampsie et de dépression postnatale. Les jumeaux naissent souvent prématurément avec un poids plus faible, ce qui accroît leur risque de problèmes de santé à long terme. Leur taux de mortalité infantile est plus élevé. Il en est bien sûr de même pour des triplés. Pour mesurer l'ampleur de ce phénomène et comprendre ses causes, Gilles Pison, un chercheur associé à l'INED, et deux de ses collègues néerlandais ont analysé les statistiques de naissance de 32 pays, en majorité européens, dans un article qui paraît dans la revue Population and Development. Globalement, dans les pays européens et les États-Unis, il y a eu une diminution des naissances de jumeaux après la Seconde Guerre mondiale avec un minimum atteint dans les années 70. C'est ensuite que les grossesses et les naissances gémellaires sont devenues plus fréquentes. Le taux de naissance de jumeaux a quasiment doublé dans les pays développés et est passé de 9,5 naissances sur 1000 en 1975 à 16,9 en 2011 aux États-Unis. En France, il est passé de 9,3 naissances pour 1000 à 17,4. Pour Gilles Pison, qui s'exprime dans une dépêche de l'AFP, nous ne savons pas si cette hausse va se produire, mais celle-ci est de plus en plus perçue comme un problème de santé publique. Une des principales raisons de cette augmentation est l'utilisation de la procréation médicalement assistée, donc PMA, à partir des années 70. En effet, la stimulation ovarienne et la fécondation in vitro augmentent le risque de naissances multiples. En même temps, l'âge des mères a augmenté sur cette période. Or, le nombre de grossesses multiples augmente aussi avec l'âge. Si l'âge des mères était resté stable et que seule la procréation médicalement assistée agissait, le taux de naissance gémellaire aurait augmenté d'environ 40 à 50% en moyenne. Et si seul l'âge des mères avait augmenté, le taux de jumeaux aurait augmenté de 15% environ. Il existe cependant des variations entre pays. Par exemple, au Japon, l'effet de la procréation médicalement assistée est 10 fois plus important que celui de l'âge des mères. En revanche, dans un pays comme la Pologne, où la PMA est moins développée, l'âge joue un rôle plus important. Dans un quart des pays, le taux de naissance gémellaire n'augmente plus. Donc, on parle du Pays-Bas, du Japon, du Danemark, par exemple, et a atteint un seuil, mais ailleurs, comme en France, il continue d'augmenter. En effet, dans certains pays, les pratiques de procréation médicalement assistée ont évolué pour éviter un trop grand nombre de naissances multiples. Le nombre d'embryons transférés dans l'utérus lors d'une FIV a ainsi été réduit. C'est ce qui expliquerait que dans certains pays, le nombre de naissances gémellaires ait atteint un plateau au début des années 2000 et diminué ensuite. Globalement, de plus en plus de femmes ont recours à la PMA et l'âge des mères continue d'augmenter. Plus précisément, en France, au début du 20e siècle, l'âge moyen des mères était environ de 29,5 ans, puis il a diminué jusqu'en 77 pour atteindre 26,5. Il a ensuite rapidement augmenté, dépassé 30 ans en 2010. La France a connu beaucoup de naissances gémellaires pendant la Première Guerre mondiale, ce serait dû à l'âge des mères qui était élevé pendant la période de guerre. Puis le taux a diminué de même que l'âge des mères, ce qui explique que les naissances de jumeaux devenaient moins fréquentes jusque dans les années 70. À la fin des années 70, l'âge des mères s'est mis à augmenter et le nombre de naissances gémellaires aussi. Cette augmentation du nombre de naissances gémellaires a concerné toutes les tranches d'âge, mais elle était la plus élevée pour les femmes les plus âgées. Le taux a doublé chez les 40-44 ans et a été multiplié par 10 chez les plus de 45 ans. Un grand pas en avant vers un séquençage ultra rapide de l'ADN. Je trouve qu'on reste un peu dans le même domaine. Aurélien Banco, chercheur au CNRS de Toulouse, a inventé un procédé permettant de séparer plus rapidement les molécules d'ADN. La simplification de cette étape de l'analyse réalisée sur une puce permettrait un séquençage plus rapide et pourrait servir à la criminologie ou au dépistage de cancer. Le 1er février, Aurélien Banco, chercheur au laboratoire LAS, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, a reçu le prix d'instrumentation de la Société française de chimie. Sa découverte est une méthode révolutionnaire de séparation des fragments d'ADN qui permet de réduire à 10 minutes un travail qui prend généralement plusieurs heures. La séparation de l'ADN qui n'est pas le séquençage est souvent, c'est différent, donc est souvent utilisée en biologie moléculaire pour identifier les fragments particuliers. Pour séparer les séquences, les chercheurs réalisent habituellement une électrophorèse avec un gel d'agarose soumis à un champ électrique. Les fragments d'ADN les plus petits migrent le plus vite, d'où leur séparation en fonction de leur taille. Cependant, cette technique est longue et peu sensible. Elle nécessite des quantités suffisantes d'ADN. La résolution pour de grosses molécules d'ADN, par exemple 40 à 50 KB, est limitée. L'innovation d'Aurélien Banco, qui porte le nom de MicroLAS ou encore le symbole micro, LAS, permet de s'affranchir du gel d'agarose. Le champ électrique est appliqué sur un ADN déposé sur une puce et non dans une matrice. La puce contient des petits circuits de fluide sur du silicium. L'ADN s'écoule sur la puce et un courant électrique permet la séparation. Grâce à cette méthode, la préparation, la séparation et la détection des bandes d'ADN se font en une seule étape et donc en un temps record, l'ADN pourrait ainsi être caractérisé en 10 minutes seulement. Dans une des pages de Retard, le chercheur explique, et je cite, « La méthode MicroLAS que j'ai mise au point n'utilise pas de matrice en gel. On fait passer directement le champ électrique dans l'ADN déposé non plus sur du gel, mais sur une petite puce semblable à une puce d'ordinateur. » Ces puces, fin de la citation en passant, ces puces étant particulièrement sensibles, cette technique ne nécessitera pas de grandes quantités d'ADN. Aurélien Banco aurait d'ailleurs fait cette découverte un peu par hasard en voulant ralentir un écoulement de produits dans un ADN avec un champ électrique. Je cite, on a alors voulu que ce champ électrique séparait, on a vu, pardon, que ce champ électrique séparait l'ADN sans besoin de matrice. Le projet MicroLAS a été accompagné par Toulouse Tech Transfer. Il a donné lieu à un dépôt de brevets et à un accord de licence qui a été signé avec la société Picometrics Technologies, Picometrics, l'entreprise basée à Labège, près de Toulouse, va mettre au point un appareil pour séparer et concentrer les échantillons biologiques en un temps réduit. Cette recherche pourra donc aboutir à de nombreuses avancées, par exemple pour détecter un ADN cancéreux avec moins de matériel génétique et donc un diagnostic plus rapide. La technologie MicroLAS pourrait accélérer l'analyse des ADN dans différents domaines, y compris en criminologie. De la peau humaine imprimée en 3D, on en parlait en intro un petit peu tout à l'heure. Poietis, une jeune société basée près de Bordeaux, développe une technique d'impression 3D de tissu humain grâce au laser. Les applications sont très attendues en cosmétique et en clinique, par exemple, pour créer des greffons de peau à partir de cellules de patients. Je cite, il s'agit de marier les technologies d'impression 3D et la biologie cellulaire afin de fabriquer couche par couche des tissus biologiques, qui résume un ancien chercheur à l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale, et fondateur de la start-up en 2014, Fabien Guillemot. Car l'impression tridimensionnelle qui permet la création d'un volume par l'empilement de couches a ouvert de très nombreux champs d'expérimentation, notamment pour les chercheurs travaillant sur le vivant. À ce jour, 4 technologies de bio-impression coexistent. Poietis du grec fabriqué est pour l'heure la seule entreprise au monde, selon ses initiateurs, à imprimer de la matière vivante grâce à de la lumière laser. Le laser a plusieurs avantages. Il permet, par sa très haute définition, de reproduire toute la complexité des tissus avec une précision très élevée. Il permet aussi d'assurer la viabilité des cellules à hauteur de 95 à 100%. Mais alors, comment passons de quelques cellules mises en culture à la complexité d'un véritable tissu fonctionnel? Grâce au laser, l'imprimante dépose des micro-gouttelettes contenant des cellules couche par couche selon un modèle prédéfini par ordinateur et inspiré de tissus existants. L'entreprise a déjà déposé 3 familles de brevets pour ça. Ces modèles numériques entièrement mis au point par Poietis permettent non seulement d'organiser les cellules au départ, mais également d'anticiper la façon dont elles vont interagir avec le temps. Avec une précision de l'ordre de 20 microns, des millièmes de millimètre, soit autour de la taille maximale d'une cellule, le laser permet de guider l'auto-organisation des cellules. 3 semaines sont nécessaires pour reproduire de la peau, et pour l'instant, l'entreprise qui compte une vingtaine de salariés, entre autres des biologistes, des ingénieurs en optique, des informaticiens, on utilise 2 imprimantes mises au point avec l'Inserm et le laboratoire Alpha 9, dépendant du pôle de compétitivité bordelais dédié au laser. Elle travaille déjà à l'élaboration de son propre outil d'impression qui devrait être opérationnel d'ici 2 ans. Si l'objectif de Poietis est d'aller en clinique pour servir à la réparation de tissus, l'entreprise fonde d'abord son développement sur l'énorme potentiel que représentent les tests en recherche cosmétique et pharmaceutique. C'est pour ça qu'ils ont d'abord travaillé sur la peau, une vraie opportunité de développement, disent-ils. L'enjeu est d'autant plus grand que les tests sur animaux pour les cosmétiques sont interdits depuis 2013 dans l'Union européenne. Pour la recherche pharmaceutique, il s'agit de reproduire autant de peaux saines que des peaux pathologiques. La société qui vient de procéder à une augmentation de capital de 1,2 million d'euros, dont 1 million de financement participatif pour PME, compte valider ses premiers produits et les commercialiser auprès des centres de recherche et de tests d'ici à 2017. En matière médicale, il faudra être plus patient. Poietis envisage la fabrication de greffons de peau, totalement assimilables par le greffé, puisque fabriqués à partir de ses propres cellules d'ici 10 ans environ. Les expérimentations menées au sein du laboratoire de l'Inserm ouvrent déjà d'autres horizons. Des tests sur une souris blessée au crâne ont mis en évidence la façon dont la bioimpression par laser pouvait contribuer à la réparation osseuse directement sur le sujet. Dans cette perspective, la reproduction d'organes dans le cadre d'une médecine toujours plus personnalisée ne semble plus une chimère. Derrière la révolution technologique se profile un vertigineux questionnement éthique. Ils disent « Nous nous sommes posé une limite, nous nous bornons à la réparation des tissus et non à leur augmentation ou à leur amélioration ». Et finalement, un implant bionique qui pourrait faire remarcher les personnes paralysées. Un groupe de personnes paralysées vont recevoir un implant cérébral de la taille d'une allumette, baptisé Stentrod. Il doit leur permettre de manœuvrer un exosquelette grâce aux ondes cérébrales. Fait d'un alliage de nickel et de titane, ce dispositif peu invasif sera implanté dans un vaisseau sanguin à proximité du cortex moteur. Testé avec succès sur des moutons, il va faire l'objet d'un essai clinique dès l'année prochaine. D'importants progrès donc ont été accomplis ces dernières années sur les interfaces neuronales. Et ils ont ouvert la voie à la création de prothèses de membres ou d'exosquelettes manœuvrables grâce aux ondes cérébrales, mais aussi de membres bioniques dotés d'un sens du toucher. Dans tous les cas, ces systèmes reposent sur des implants qui doivent être installés sur le cerveau. Une chirurgie lourde et très invasive n'est pas exempte de complications post-opératoires. Une équipe de chercheurs de l'Université de Melbourne en Australie vient de publier un article scientifique dans la revue Nature Biotechnology dans lequel elle décrit ce qu'elle appelle le Saint Graal de la recherche en bionique. Il s'agit d'un implant flexible glissé dans un vaisseau sanguin qui peut enregistrer les ondes cérébrales du cortex moteur sans être en contact direct avec le cerveau. Ce Stentrod, comme il a été baptisé, est en fait un stent fait de filaments de nitinol, un alliage de nickel et de titane biocompatible, tressé en nid d'abeille. À chaque intersection du maillage, des électrodes miniatures vont servir à enregistrer l'activité électrique produite par les neurones au moment où la personne pense à une action physique précise. Dans le dispositif imaginé par les scientifiques australiens, ces signaux seront ensuite transmis à un ordinateur via un émetteur sans fil relié au stent qui les encodera avant d'envoyer l'ordre à l'exosquelette. Cette structure souple et expansible de 3 mm de large est placée dans un vaisseau sanguin qui passe sur le cortex moteur grâce à un cathéter inséré depuis l'aine. C'est une des plus longues phrases que j'ai vues dans ma vie, ce que je viens de lire là. Une technique utilisée depuis des années en cardiologie. Une fois le cathéter retiré, l'implant va se déployer pour venir se plaquer contre les parois du vaisseau. Protégé à l'intérieur du vaisseau sanguin, il peut demeurer indéfiniment sans causer de dommages. Plus besoin de pratiquer une craniotomie lourde à supporter pour le patient, sans compter les risques d'infection qu'elle entraîne. Des tests ont été effectués sur des moutons pendant près de 200 jours. À mesure que l'implant était absorbé par les parois du vaisseau sanguin, le signal qu'il enregistrait gagnait en puissance. Il a atteint les 190 Hz, ce qui, d'après les chercheurs, équivaut aux performances actuelles des capteurs implantés directement dans le cerveau. Un essai clinique doit débuter l'année prochaine. Il se déroulera avec des volontaires paraplégiques ou tétraplégiques triés sur le volet qui devront satisfaire à plusieurs critères. Être jeune, avoir subi une lésion de la moelle épinière depuis moins d'un an et être en capacité d'utiliser un exosquelette. De plus, ces patients vont devoir apprendre à utiliser l'interface neuronale, c'est-à-dire à coder les signaux pour que l'exosquelette accomplisse le mouvement voulu. Ça revient à réapprendre à se tenir debout et à marcher, un processus qui demandera des mois d'efforts pour entraîner le cerveau et devenir plus fluide. Cette interface neuronale ouvre d'autres perspectives. Elle pourrait également être utilisée pour surveiller l'activité cérébrale de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de troubles obsessionnels compulsifs ou de dépression. Encore mieux, elle pourrait servir à émettre un signal pour stimuler le cerveau électriquement en coordination avec un œil bionique. Là encore, la possibilité de venir placer l'implant dans un vaisseau sanguin en contact avec le cortex visuel serait bien moins complexe et risquée qu'une chirurgie. Il y a donc des perspectives prometteuses, mais encore beaucoup de travail pour les faire aboutir. Ce projet a été cofinancé par le gouvernement australien et la DARPA, l'Agence de recherche et de développement de l'armée américaine. Deux des chercheurs qui ont mis au point cet implant ont créé une entreprise baptisée Smart Stent qui va s'employer à commercialiser cette technologie à l'horizon de 2022. Voilà les grosses nouvelles de Merci Science. Maintenant, on retourne en chiptune pour aller entendre l'artiste Venom. On l'écoute une fois de temps en temps. Mathieu Planchot, c'est pas mal bon cette histoire-là. Voici Ham Slam. Tout de suite, je vous en sac un coup de jambon. MPS, le Mathieu Planchot. Ah, c'est fou! Slam par Venom, mon Mathieu Planchot. Maintenant, c'est Cynix. Premier bloc de Cynix pour cette semaine, c'est le bloc technologie, informatique et jeux vidéo. Commençons par une balise Bluetooth. pour remplacer les coffres-forts. Sensor One, gros comme un carré de chocolat. Pourrait sécuriser les biens de valeur. Équipée de capteurs, cette balise Bluetooth détecte le moindre mouvement de l'objet qu'elle protège et en informe son propriétaire sur son téléphone intelligent. Mais elle peut faire tellement plus que ça. Partant du constat qu'on possède de plus en plus d'objets de valeur, MetaSensor, une entreprise californienne, s'est mise en tête de les protéger. Elle a créé le Sensor One, une balise octogonale, discrète et légère, de 26 mm par 12 pour 6,63 g, qui embarque trois capteurs, un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre, ainsi que trois LED et une alarme puissante. Ce petit gadget digne de la panoplie de Q dans James Bond là, et capable de détecter le moindre déplacement dans les trois dimensions. Sensor One prévient l'utilisateur en lançant une alerte sonore et visuelle ainsi qu'une notification sur téléphone ou les trois en même temps. Un gadget évidemment pratique en cas de perte ou de vol de nos précieux objets. On pourrait l'utiliser par exemple pour surveiller son ordinateur à la bibliothèque pendant qu'on cherche un livre et on sait que les ordinateurs sont tellement de plus en plus minces que ça fait longtemps qu'ils sont débarrassés du minuscule port où on pouvait attacher un cadenas après les ordinateurs dans le temps. Il n'y a plus ça. C'est quoi, c'est plus grave? Ah, achetez-en un autre, il n'y a pas de problème. Bref, un autre Airbnb, donc quelqu'un qui vous accueille dans sa maison, pourrait également installer cette balise dans des pièces ou des placards que ses invités ne sont pas censés ouvrir. Rien de bien nouveau pourtant, si les fonctionnalités du Sensor One s'arrêtaient ici, il ne serait pas bien différent des autres alarmes Bluetooth déjà sur le marché, mais pour Nick Warren, le PDG de MetaSensor, le Sensor One n'est pas une balise comme les autres. Contrairement au modèle classique, elle peut fonctionner sans être connectée à une application en utilisant la connexion Internet de tous les appareils auxquels elle est reliée. Grâce au Bluetooth 4.2, le capteur peut se connecter à un appareil à une distance de 90 mètres si la vue est dégagée. Placé sur une porte d'entrée, par exemple, le capteur pourra prévenir l'utilisateur sur son téléphone en utilisant la connexion Internet d'un appareil resté chez soi, et cela dès que celle-ci est ouverte. Son API étend ses fonctionnalités à d'autres objets et plateformes. Placé sur un vélo ou une voiture, le capteur pourrait activer la caméra Nest, éteindre le thermostat connecté et verrouiller la porte d'entrée dès qu'on s'éloigne de la maison. Warren espère également que l'appareil plaira aux entreprises et aux institutions. Il imagine par exemple qu'il pourrait être utilisé comme une sorte de GPS d'intérieur pour suivre l'emplacement et la fréquence d'utilisation du matériel médical ou industriel. Grâce à ses batteries d'un an et sa résistance à l'eau et aux impacts, il pourrait également intéresser les entreprises de logistique pour le suivi de conteneurs. Le fonctionnement de la balise repose entre autres sur une application mobile, mais aussi sur Aleta, une web app qui permet de recueillir, d'analyser et de comprendre les données accumulées par les capteurs. La société qui a déjà levé des fonds auprès d'investisseurs privés a commencé une campagne sur Indiegogo. En moins d'une journée, elle a réussi à lever pratiquement la moitié des fonds dont elle a besoin pour commercialiser le produit. Et Warren espère pouvoir livrer les premières balises d'ici septembre. La campagne de crowdfunding oblige. Ces délais ne sont bien souvent qu'une estimation généreuse et sont donc à prendre, comme on sait, avec beaucoup de précautions. On pourra par ailleurs regretter que le prix d'entrée du Sensor One soit à 80$ américains et ça n'offre pas la possibilité d'utiliser l'API pour laquelle il faudra ajouter un autre 20$ pour programmer des applications tierces. Une entreprise québécoise au cœur de la lutte pour la réalité virtuelle. Un article de La Presse. Sur papier, le casque de réalité virtuelle le plus avancé n'a pas été conçu aux États-Unis ou en Asie, mais plutôt sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le Totem de Virvana se distingue de ses concurrents par son ambition. C'est que le Totem n'est pas qu'un casque de réalité virtuelle, il fait aussi dans la réalité augmentée, grâce à ses deux caméras placées à l'avant, une particularité unique. La réalité virtuelle isole l'utilisateur du monde qui l'entoure et la réalité augmentée, elle, ajoute des éléments virtuels à l'environnement réel. Donc c'est par-dessus et le Totem peut jouer sur les deux tableaux selon que l'on utilise ou non ses caméras à l'avant. C'est le premier élément donc, qui les distingue selon eux. Ça permet aussi de revenir rapidement à la réalité en cas de besoin en activant les caméras avec un seul bouton plutôt que de devoir enlever le casque. Les caméras permettent aussi au Totem de se repérer dans l'espace et donc de mieux reproduire les déplacements sans employer d'appareil externe comme ses rivaux l'Oculus Rift et le HTC Vive. Mais ce n'est pas la seule différence, même les casques de réalité virtuelle les plus évolués ne sont essentiellement constitués que d'un écran et de capteurs. Le Totem, lui, ajoute un processeur qui lui permet de réduire certains délais de traitement d'image. Dans le monde de la réalité augmentée, le Totem devra notamment rivaliser avec le HoloLens de Microsoft. Il dispose pour ça d'un avantage technique important puisque son champ de vision est nettement plus grand. À quand la mise en marché du premier Totem? La réponse dépend du client, c'est que Virvana cible deux marchés, celui des consommateurs et celui des entreprises. Pour les consommateurs, ça va être difficile d'y aller par eux-mêmes, disent-ils. Leur plan est de s'associer à un grand fabricant pour faire un ensemble complet, bref, un ensemble auquel on ajoute un téléphone intelligent comme le Gear VR peut faire. De sérieuses démarches sont déjà en cours en ce sens. Les cofondateurs de Virvana ont passé les trois derniers mois de 2015 dans la Silicon Valley et l'un d'eux est en Asie présentement, justement, pour accomplir cette tâche. Dans le marché des entreprises, les possibilités sont nombreuses. Formation, travail collaboratif. De grandes entreprises ont déjà manifesté leur intérêt et Virvana estime qu'elle pourra faire cavalier seul dans ce créneau. La prochaine étape sera la production d'une petite série de nouveaux prototypes à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai. Voilà, Virvana, V-R-V-A-N-A. En tout cas, j'imagine que c'est de même qu'on le prononce, hein. Le MIT conçoit une puce mobile avec un réseau de neurones artificiels. On sait que le smartphone de demain sera bien plus puissant que celui d'aujourd'hui, mais dans quelques années, c'est l'architecture matérielle elle-même qui pourrait changer, nous dit Clubic.com. Chaque année, des fabricants de puces mobiles dévoilent leur nouveau système on-chip, présentant des performances toujours plus avancées, tout en tentant de réduire l'impact sur la durée de vie de la batterie et en augmentant constamment la capacité de la mémoire vive. En quelque sorte, à l'heure actuelle, le smartphone calque l'évolution du PC. Mais demain, les constructeurs pourraient être influencés par les serveurs. En effet, lors de la conférence International Solid State Circuits, les chercheurs du MIT ont conçu un design de puce pour mobile avec un réseau de neurones artificiels. Baptisé Iris, mais un jeu de mots avec E-Y-E et R-I-S-S, hein? Celle-ci est constituée de 168 cœurs et consommerait 10 fois moins de batterie que les GPU actuellement embarqués au sein des smartphones. Dans un réseau de neurones artificiels, chaque nœud traite les données qu'il reçoit avant de les transférer vers un autre nœud, un processus qui s'étend à chacun des cœurs pour diviser la réalisation d'une tâche et la traiter plus rapidement. Chacun des cœurs présente la particularité de posséder sa propre mémoire et de communiquer avec les autres cœurs, et ils n'ont donc pas besoin d'accéder en permanence à une source de mémoire plus importante. Or, pour amoindrir les effets sur l'autonomie de la batterie, les chercheurs ont réussi à optimiser les transferts d'un nœud à l'autre, et chacun compresse les données avant de les envoyer. Un réseau de neurones artificiels au sein d'un smartphone offrirait plusieurs possibilités, nécessitant aujourd'hui un calcul déporté sur un serveur externe. C'est par exemple le cas d'une application de traduction, de reconnaissance d'objets ou encore de détection de visage. Il est intéressant de noter qu'un ingénieur de NVIDIA a pris part à ces travaux. Et aussi, on rapportait récemment que Google planchait sur sa propre puce et souhaitait intégrer la reconnaissance d'images et de visages directement dans ses téléphones intelligents. Maintenant, un bonnet de bain connecté qui aide à mieux nager. En cours de financement sur la plateforme Indiegogo, Swimbot est un nouvel accessoire permettant d'améliorer sa technique de nage en corrigeant les mouvements en temps réel. Léger, l'outil de 60 grammes soutenu par le nageur français Alain Bernard sera proposé à la vente au prix de 229 euros une fois son objectif atteint. Ancien nageur et ingénieur informatique à la tête de la start-up française Swimbot, David Jamais. Lance un nouvel objet connecté visant à mieux nager en adoptant des mouvements justes. Les débutants comme les sportifs de haut niveau peuvent s'entraîner à se perfectionner. Avant de plonger dans le bassin, le nageur doit se livrer à un petit exercice de visualisation et d'écoute. Regarder sur le boîtier des leçons animées en 3D et se familiariser avec les meilleurs gestes et techniques de nage, ainsi que les sons sophistiqués proposés par l'appareil. Ensuite, il suffit de le glisser derrière son bonnet de bain et mettre les écouteurs qui font partie de l'équipement. Pendant la pratique, le boîtier tel un entraîneur va analyser tous les mouvements à l'aide de 9 capteurs et les corriger par l'émission de signaux sonores. Par exemple, dès qu'un mouvement vertical freinant la nage se produit, un son invitera le nageur à modifier sa posture. L'outil apprend aussi à mieux gérer sa respiration pour gagner en rapidité, notamment pour le crawl. Après la séance, il est possible de synchroniser le Swimbot avec son smartphone via Bluetooth et de consulter la séance avec les mesures de progression par le biais de l'application. L'objet a été testé par l'équipe de France de natation. Dans une entrevue donnée au Swimming World Magazine, le champion olympique français Alain Bernard vante les mérites de la nouvelle technologie. La start-up vient de débuter sa campagne de financement sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, où le bonnet connecté est proposé en précommande au prix de 229 euros à accès aux entraînements et conseils de champions compris. Hein? Et sur Indiegogo, si on veut les dollars un petit peu plus américains, 38 285 dollars américains, ils sont à 22%, il reste un mois. Pas si pire quand même. Hein? Pardon. Parlons maintenant de canapé qui vibre. Je ne parle pas de craquelin, sinon je parle de votre divan au rythme de vos jeux et films préférés. Actuellement en cours de financement sur Kickstarter, Immersit est un appareil conçu par une start-up française encore qui propose de transformer un canapé en appareil vibrant pour une expérience home cinéma totale. Les cinémas 4D proposant des sièges vibrants sont encore relativement rares, mais grâce à Immersit, c'est une expérience qui sera bientôt possible de vivre chez soi. Proposé par une start-up parisienne du même nom, cet accessoire actuellement en cours de financement sur Kickstarter s'installe sous les pieds d'un canapé, mais peut également être fixé sous les pieds d'un lit ou sous d'un siège. En fonction de ce qui se passe à l'écran, les patins peuvent faire monter ou descendre le canapé ou tout simplement le faire vibrer. L'entreprise explique que 120 jeux sont d'ores et déjà compatibles avec Immersit et que l'appareil prend en charge les consoles Xbox One et 360 ainsi que les PS4, PS3 et PC. Là que le Swift est également annoncé comme étant compatible et le HTC Vive sera également compatible à la sortie. Les films récents et anciens seront également compatibles, mais l'un des principaux défis des concepteurs d'Immersite est de s'assurer d'une très large compatibilité. On apprend sur Kickstarter que l'appareil utilise une combinaison de plusieurs technologies pour reconnaître tous les médias en cours de lecture sur votre écran sans tenir compte des sources. Une fois que le film est reconnu, le canapé se met alors en mouvement et vibre de manière synchronisée avec l'action à l'écran. Un logiciel maison se charge de traduire les mouvements cinématographiques en mouvement et vibration pour une immersion appropriée. L'appareil n'est pas censé faire vibrer le sol et donc ne devrait pas déranger les voisins. Par ailleurs, le prototype peut soulever jusqu'à 500 kg. Reste que le prix proposé s'avère élevé puisqu'il faut débourser actuellement 779 € pour faire l'acquisition du premier modèle qui sera commercialisé en décembre. Le tarif qui sera appliqué hors Kickstarter dépassera les 1 000 € pour un modèle haut de gamme, évidemment en dollars américains. Ça fait... Ah, maudit. Ils me font mentir, c'est marqué en euros sur Kickstarter. C'est sûr que ça va être marqué en dollars américains. Bref, je connais pas la conversion. On va essayer de voir. Je suis tellement fort là-dessus. Je connais ça mentalement. Là. Maudit. Je l'aurais pas non plus. J'étais certain. Maudit, Google, tu me fais honte. 1082,61 $ canadiens. Bâtard, c'est pas dur. Hein? Mais pour ceux qui ont un petit budget et sont prêts à se contenter d'un canapé vibrant, il est possible de se contenter du petit modèle d'Immersite dont le prix est fixé à 215 €. Bon, encore une autre conversion, sans les frais d'envoi. La livraison de ce modèle est prévue pour septembre prochain. Voilà, c'est tout pour ce premier bloc de CNX. On en fait un autre tantôt, mais pour l'instant, en chiptune, on s'en va entendre D-Boyd, my boy D-Boyd. Voici Morty's Lo-Fi Winter Vacation. MPS, le Mathieu Plante Show, 89 FM, c'est fou. Bleak Prospects avec Awful Apes. Il reste comme 30 secondes la chanson, mais il n'y a plus rien. Bref, Awful Apes, pour ceux qui aiment Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country, ce sont, en fait, c'est une chanson qui a été construite avec des samples de ces deux jeux-là dans le logiciel FL Studio. Voilà. Et avant ça, tantôt, avant la pause, c'était Morty's Lo-Fi Winter Vacation par D-Boyd. Maintenant, c'est la suite de Cynix. On parle toujours de technologie, d'informatique et de jeux vidéo dans CNX et commençons par l'intelligence artificielle dans son smartphone. Un processeur graphique capable d'apprendre, mis au point par les chercheurs du MIT, consomme 10 fois moins d'énergie qu'une puce classique. De quoi faire tourner des applications d'intelligence artificielle directement sur son smartphone, des objets connectés ou une voiture autonome sans passer par une connexion Internet. Les progrès à en attendre sont très importants et d'autres fabricants de processeurs sont déjà sur les rangs. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise un smartphone, on le fait sans avoir appel à l'intelligence artificielle. Donc, on fait sans le savoir, je refais ma phrase, nous faisons sans savoir appel à l'intelligence artificielle. C'est le cas, par exemple, de Siri sur Apple, Cortana chez Microsoft, Google Now, chez Google, qui savent reconnaître le langage naturel pour les applications de traduction en temps réel, telles que le Skype Translator, ou encore pour la reconnaissance d'images. Tout ceci est aujourd'hui possible grâce à une puissance de calcul que seules des batteries de serveurs unies sur des plateformes de cloud computing peuvent fournir. Sans connexion Internet, pas d'intelligence artificielle. Car en effet, les batteries des terminaux mobiles ne tiendraient que quelques minutes si une intelligence artificielle était directement sur le téléphone. Mais ça pourrait bientôt changer. Des chercheurs du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, ont développé un processeur graphique optimisé pour exécuter un réseau neuronal d'apprentissage profond, ce qu'on appelle du deep learning, qui consomme 10 fois moins d'énergie qu'une puce graphique pour smartphone. Baptisé Iris, on en parlait tantôt. Pour vrai, parce que c'est pas le même genre d'article du tout. C'est tellement différent comme article que j'aurais jamais pensé que c'était la même chose que tantôt. Bref, un processeur de 168 quarts de calcul qui pourrait permettre à des terminaux mobiles, des objets connectés, des robots ou encore des voitures autonomes de s'adonner à l'apprentissage profond sans devoir transmettre des données à des serveurs via Internet. Et en plus de ça, des capacités étendues, davantage d'autonomie et une plus grande réactivité. C'est drôle parce que c'est la même source. J'aurais pas pensé que même une belle publication écrirait deux fois sur le même sujet, mais bon. Ensuite, Duck Hunt, le grand classique de la NES, revient en réalité virtuelle. Duck Hunt, ses canards, sa musique et son chien moqueur sont de retour dans une adaptation en réalité virtuelle du grand classique de Nintendo. Bien que non officiel, ce portage pourrait être proposé prochainement et gratuitement. Duck Hunt, c'est un jeu particulièrement célèbre qui date de l'époque de la NES. Il était jouable avec le pistolet NES Zapper qui était proposé avec certains packs de la console. Le principe est simple, on sait, on y incarne un chasseur qui doit tirer sur des canards. En cas de réussite, on marque des points et un chien se charge de récupérer le gibier. Et si on rate les tirs, le même chien se moque allègrement de nos piètres performances. Un gameplay simple et efficace, voire traumatisant pour les personnes ne sachant pas viser, qui revient aujourd'hui sous la forme d'un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Duck Hunt Live VR. C'était développé par Joseph Delgado, un étudiant en sciences informatiques, durant l'édition 2016 de la Global Game Jam qui s'est déroulée le mois dernier. À travers une courte vidéo, on redécouvre Duck Hunt dans une expérience à 360 degrés. Une salle fait office de zone de départ où on choisit la difficulté et le niveau. Joseph Delgado a reproduit l'environnement en 3D, mais a gardé les graphismes caractéristiques 8-bit du jeu d'origine de chez Nintendo, ainsi que le bruitage et les musiques. Évidemment, pas besoin d'une NES Zapper, le développeur utilise dans sa démo des contrôleurs Razer Hydra. Joseph Delgado espère pouvoir proposer son jeu sur le casque HTC Vive dès ses sorties, et ce, gratuitement. Il espère surtout que Nintendo ne lui mettra pas des bâtons dans les roues, puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation officielle de l'entreprise pour réaliser et diffuser ce portage. En attendant, le développeur explique sa démarche sur son blog. On peut aller voir ça sur assemblagerequis.com, bien évidemment, parce que sinon, je me demande bien, où iriez-vous, n'est-ce pas, pendant que je change subtilement de fond, parce que celui-là me gosse énormément. Ah ouais. Renouveau du vinyle, maintenant, gravez vos disques à domicile. Numériser les vinyles, c'est dépassé, pensez-vous. Graver des vinyles à domicile avec le Vinyl Recorder T560. Il n'est jamais vraiment mort, mais le retour de l'emblématique Technics SL1200 en témoigne, c'est l'année du renouveau du vinyle. Des marques comme Sony proposent des platines permettant de numériser des disques dans une démarche de dématérialisation, mais la tendance s'inverse étant vers la rematérialisation. Tu comprends? Hein? À la place de numériser son vinyle et de le faire en MP3 avec, tu vas prendre ta bonne grosse wave en super bonne qualité hi-fi et tu vas venir mettre ça sur un vinyle. C'est le contraire. Dans ce contexte, donc, l'entreprise allemande du nom explicite de Vinyl Recorder est la dernière à proposer un enregistreur domestique qui est le T560, repéré par le site internet WeDomain, okay, permet de graver ses propres disques à micro-sillon. Comme le souligne ce site, la machine ressemble à une imprimante 3D. si ce n'est qu'elle fonctionne par soustraction, donc en gravant au sens propre pour une fois des disques vierges. La machine utilise pour se faire un diamant chauffé qui, si ce n'est qu'il est... Oh, maudits articles français. Les mots français. La machine utilise pour se faire un diamant chauffé qui, si ce n'est qu'il est plus affûté, effectue simplement le mouvement que devra faire la cellule en lecture. Le disque est d'ailleurs entraîné à vitesse normale par une platine standard qui peut jouer la musique aussitôt. La machine est livrée avec un encodeur RIAA et peut enregistrer du son à partir de n'importe quelle source, que ce soit un fichier numérique joué par un ordinateur ou de la musique captée en direct par un microphone. Voilà. Il faut un puissant amplificateur, accessoire indispensable à s'acheter avec ça. Ça sert probablement à actionner le diamant. Il y a aussi un aspirateur à refroidissement pour aspirer le surplus. 10 disques enregistrables au format de 12 pouces coûtent environ 35 €, 3 500 $ pour la machine, plus les accessoires à part. Des tarifs élevés, mais dans le contexte du Hi-Fi, c'est inférieur à ceux des solutions précédentes. Il y a d'ailleurs un graveur Vestax d'occasion qui se négocie pour plus de 7 000 €, qui est disponible. Donc, allez voir la petite vidéo YouTube pour vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. Intriguant sujet. Maintenant, un bloc thématique sur Facebook. Et j'ai pas mal d'affaires à dire sur Facebook cette semaine, donc attention. Facebook qui veut vous proposer des amis que vous ne connaissez pas, mais que vous croisez souvent. Hein? Donc, aborder cette jolie personne que vous voyez tous les jours dans votre cafétéria préférée, hein? Comme je l'ai fait sur Spotted et QTR. Non, jamais on n'oserait. Les risques de cafouillage et de râteaux seraient bien trop élevés, nous dit le Huffington Post. Au lieu de voir votre espoir de rencontre s'anéantir, Facebook vient de vous sauver la mise sur son beau cheval. L'entreprise de Mark Zuckerberg vient de déposer un brevet. Le géant des réseaux sociaux va pouvoir vous suggérer des amis en fonction des lieux où vous vous rendez fréquemment. Hein, mon rêve. Le réseau social va entre autres se servir du Wi-Fi pour vous mettre en relation avec vos futurs amours et amis. Si une personne utilise la même connexion Wi-Fi que vous pendant un certain temps, le nom de celle-ci va apparaître dans vos suggestions d'amis, à la condition que la fréquence de vos rencontres dans ce même lieu l'autorise. Si vous allez par exemple une seule fois et unique fois dans un bar miteux, Facebook aura le bon goût de ne pas vous suggérer les habitudes du lieu. Hein? Cette future fonctionnalité de Facebook marche sur le même principe que l'application de dating Happn, H-A-P-P-N, c'est une application française que j'utilise fréquemment. Hein? Vous saurez par exemple combien de fois vous avez croisé l'inconnu suggéré et vos mentions j'aime communes. Mais ce qui diffère entre les deux applications, c'est leur nombre d'inscrits respectifs. Hein? Happn revendique environ 2 millions d'utilisateurs en 2015. Contre 1,59 milliard de gens chez Facebook. Les chances donc pour avoir le nom d'une personne que vous croisez régulièrement sont alors démultipliées. Parce que moi, sur Apple, par semaine, j'ai probablement une ou deux personnes de plus. Je trouve ça un petit peu épeurant, Facebook, parce que pour vrai, je vais vous raconter ma petite histoire. Là. Ça intéresse personne, les histoires personnelles d'animateur de radio, je le sais, mais quand même, je vous la dis parce que ça me fait peur. Bon. J'ai rencontré une fille sur un site de dating qu'on appelle plentyoffish.com. On commence à se parler là-dessus. On se donne nos numéros de téléphone cellulaire pour commencer à placoter sur message texte. Et je vous promets, à ma prochaine visite sur Facebook, okay, j'avais nommé mon contact par son prénom et la première lettre de son nom de famille. Okay? C'est tout ce que je savais, rien d'autre. Et son numéro de téléphone. Je suis allé sur Facebook et dans les connaissez-vous, il y avait cette fille-là. Impossible, la fille est de Montréal. C'est absolument impossible que je l'ai croisée dans la vie. C'est absolument impossible qu'il y ait eu une façon autre. J'ai pas son nom de famille, je le connais pas. Je crois que Facebook doit connaître les pages que vous allez voir et après ça, fait une triangulation des pages que cette personne-là allait voir, qui a en commun avec quoi et finit par vous matcher dans le connaissez-vous. Moi, là, je trouve ça vraiment épeurant, ce genre de choses-là. Tu sais, je sais qu'il faut pas embarquer dans ces théories du complot-là, mais pour vrai, là, ça, c'est un méchant hasard, c'est impossible. Bref, mon chialage est fait. Mais justement, ça m'amène à la raison que j'ai mentionné ça là, c'est parce que je savais que ça m'amenait à mon prochain article qui est Facebook espionne les internautes non inscrits et la CNIL lui donne 3 mois pour cesser. La CNIL met publiquement en demeure Facebook pour qu'il cesse de suivre les internautes qui ne sont pas inscrits sur son service. Et encore une fois, c'est l'image du réseau social qui est en jeu. Facebook est donc dans le viseur de la CNIL qui, comme tout le monde le sait, là, j'ai ça au bout des doigts, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur CNIL.fr. Hein? Bon, c'est ça. Qui vient donc de prononcer sa mise en demeure. La Commission nationale informatique et liberté reproche au réseau... Ça, c'est écrit dans le prochain paragraphe. Imbécile, il a fallu que j'aille googler ça. Au réseau social de scruter le comportement de navigation d'internautes qui ne sont même pas inscrits à son service. Ça m'apprendra à lire mes articles le dimanche au lieu du mercredi. Donc, après avoir visité une page publique, ils se voient installer un cookie sur leur ordinateur par Facebook qui verra les informations de navigation et même sur des sites tiers. Ce cookie permet alors au site d'identifier tous les sites internet sur lesquels cet internaute se rend dès lors qu'il contient un bouton Facebook, que ce soit un bouton « J'aime » ou un bouton « Se connecter ». C'est ce qui donne la porte d'entrée à Facebook, selon la commission. commission qui a décidé de rendre publique cette mise en demeure en raison de la gravité des manquements constatés et du nombre de personnes concernées par le réseau social, c'est-à-dire plus de 30 millions. Pardon, on avait dit combien de milliards tantôt? 12 quelques milliards par planète. Donc, la CNIL demande à Facebook de cesser de suivre les internautes non enregistrés dans un délai de 3 mois. Elle réclame aussi que les membres puissent choisir de s'opposer au regroupement des informations récoltées pour le ciblage publicitaire. Enfin, elle dénonce le transfert de données aux États-Unis sur la base du Safe Harbor. Cette mise en demeure est le résultat d'une enquête ouverte en mars 2015, consécutive au changement de politique de confidentialité de Facebook. Une opération qui a déjà porté ses fruits en Belgique, où Facebook a restreint l'accès aux pages aux seuls membres inscrits. Une façon pour le réseau social de se conformer à l'injonction dont il faisait l'objet, mais d'un autre côté, d'inciter les internautes à s'inscrire pour voir les pages. Mais au fait, que risque Facebook s'il ne se range pas derrière les recommandations de la CNIL? Eh bien, pas grand-chose, en tout cas d'un point de vue du groupe américain hégémonique, venant d'engranger en 2015 un bénéfice net record de 3,7 milliards de dollars. Si le groupe américain n'agit pas sous 3 mois, il encourt une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 150 000 euros et qui peut être rendue publique dans la presse. J'étais en train d'essayer de rouvrir mon précédent onglet pour avoir le nombre de gens sur Facebook, 1,59 milliard d'utilisateurs actifs. Tantôt, je pense que j'ai comme dit 12 milliards, puis pourtant, il n'y a même pas de 12 milliards de gens sur la planète, tout le monde sait ça, mais bon. Que voulez-vous des fois, hein? Parlons encore de Facebook et parlons des travers de Facebook, parce que quand même que Facebook gosse dans le peu importe dans quelque chose que les gens gossent dedans, Facebook économisait 15% de la batterie en désinstallant l'application. N'est-ce pas la chose la plus ridicule au monde? L'autonomie de notre smartphone est souvent un problème. On peut économiser jusqu'à 15% d'autonomie en désinstallant une seule application, c'est celle de Facebook, qu'on peut remplacer par le site internet mobile. Et en fait, on ne parle pas du Messenger de Facebook, ça on peut le laisser installer, il n'y a pas de problème. L'application Facebook, la lourde application, celle qui fait jouer des pubs, des photos, qui précharge plein d'affaires. Donc les applications mobiles de Facebook sont parmi les plus téléchargées, mais elles n'ont jamais été réputées pour leur qualité, pour autant au contraire. Depuis quelques semaines, elles font même l'objet d'un exode massif. En cause, leur consommation excessive de ressources et donc de batterie. Partant d'une tribune du célèbre site internet américain Android Central, des consommateurs du monde entier ont étudié l'influence de l'application Facebook sur une grande variété de téléphones. Il en ressort que l'application est constamment active en arrière-plan. On ne sait pas encore ce qu'elle fait, si elle nous traque, probablement, en fait, fort certainement, par rapport à l'histoire que j'ai racontée tantôt, ça ne me surprendrait pas parce que ça s'est passé tout ça sur mon téléphone intelligent, iPhone, de son petit nom. C'est ça, Facebook l'a justifié par le passé, on sait qu'elle réduit significativement les performances des téléphones Android et qu'elle réduit leur autonomie de plus ou moins 15%, ainsi que celle des iPhones dans les mêmes proportions. Certains de ces internautes ont en parallèle redécouvert les qualités de l'application web de Facebook, c'est-à-dire la version mobile. Elle n'a presque rien à envier à l'application Android ou iPhone, c'est presque la même chose, juste le look est différent. En accédant à Facebook depuis un navigateur, on accède effectivement aux fonctions essentielles du réseau social, à peu près les mêmes. On peut partager des statuts avec des photos, mais pas de vidéos, tout en s'épargnant la lecture automatique des vidéos. Hein. Sur Android, Chrome assure la prise en charge des notifications, et sur iPhone, on peut contourner le problème en réactivant, par exemple, les notifications par courriel. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de désinstallation, d'autant qu'on peut facilement remplacer l'application par une icône menant au site mobile. Sur Chrome, pour Android, il suffit d'ouvrir le menu puis de taper sur « Ajouter à l'écran d'accueil », alors que sur Safari, sur iOS, on peut ouvrir le menu de partage puis taper sur l'écran d'accueil. Voilà. Ensuite, les femmes seraient meilleures que les hommes en programmation, selon une étude qui est mentionnée par branchez-vous.com. Le code informatique écrit par des femmes serait mieux accepté par la communauté que celui écrit par des hommes, mais seulement lorsqu'il est impossible de déterminer le genre de l'auteur en question. C'est en effet le constat d'une récente étude sur le sujet pilotée par des chercheurs des départements des sciences informatiques de l'Université d'État Polytechnique de la Californie et l'Université d'État de la Caroline du Nord. À noter que ce document est en attente d'être évalué de manière critique par d'autres experts. L'étude nommée Gender Bias in Open Source, donc le biais des genres dans la source libre ou ouverte, Pull Request Acceptance of Women versus Men, l'acceptation des femmes versus les hommes. Je ne sais pas ce que veut dire Pull Request, c'est sûrement un terme très technique dans le domaine. Donc, pour but de déterminer s'il existe un préjugé défavorable à l'endroit des femmes dans la communauté du logiciel libre. Pour ce faire, l'équipe a analysé près de 1,4 million de comptes de membres de la plateforme d'hébergement et de gestion de développement de logiciels libres GitHub. Bien que GitHub ne requiert pas que ses utilisateurs divulguent leur sexe lors de la réinscription, les chercheurs ont été en mesure de déterminer si qui parmi l'échantillon ainsi recueilli était un homme ou une femme, soit parce que le profil d'utilisateur manifestait clairement cette information, soit parce que l'adresse courriel utilisée par le compte était la même que celui de profil Google+, où le sexe de la personne pouvait être identifié. Les auteurs de l'étude admettent que cette technique pose de sérieuses questions liées à la vie privée. Toutefois, ils ont déclaré ne pas avoir l'intention de publier les données brutes, préservant ainsi la confidentialité des informations des personnes ayant participé à leur insu à cette recherche. En analysant les données, les chercheurs ont constaté que 78,6% des propositions de modification du code d'un logiciel, donc les pull requests, voilà, c'était ce que je me demandais ce que ça voulait dire, effectuées par les femmes avaient été acceptées contre 74,6% de celles faites par des hommes. À la lumière de ces observations, l'équipe a exploré diverses hypothèses. Les femmes sont-elles plus susceptibles de vouloir s'impliquer à régler des problèmes connus? Leur contribution était-elle plus courte en longueur et donc moins à risque d'être rejetée? Le langage de programmation utilisé en majorité par celles-ci peut-il être un facteur expliquant le phénomène? Que vous soyez offusqué par les stéréotypes potentiellement sous-entendus dans ces hypothèses importe peu, les chercheurs n'ont trouvé aucune corrélation de la sorte. Cependant, parmi les utilisateurs méconnus au sein de cette communauté, celles dont le profil affichait avec certitude un compte féminin ont eu à composer avec un taux d'acceptation beaucoup plus bas que les profils dont l'identité de genre n'était pas affichée. Pour les étrangers de cette communauté, le biais par genre est évident, disent-ils. Le taux d'acceptation des propositions féminines est de 71,8% lorsqu'il est impossible de savoir quel est le sexe de l'utilisateur, mais ce taux tombe à 62,5% lorsqu'il est possible de savoir qu'il s'agit d'une femme. Il y a également une chute de ce type pour les hommes, mais l'effet n'est pas aussi marqué, disent-ils. Les femmes ont un taux d'acceptation plus élevé de leur proposition, mais lorsqu'elles sont méconnues et que leur genre est clairement perceptible, elles ont un taux plus faible que celui des hommes. Nos résultats suggèrent que si les femmes sur GitHub semblent être plus compétentes dans leur ensemble, des préjugés contre elles existent néanmoins. Ce qui est en effet pas totalement surprenant. Comme le souligne la BBC, malheureusement, dans son article au sujet de cette étude, en dépit de diverses initiatives des entreprises issues de secteurs technologiques, celles-ci continuent d'éprouver les difficultés liées à la diversité ethnique ou sexuelle quand vient le moment de recruter leur personnel. Par exemple, on compte seulement 16% de femmes parmi les ingénieurs de chez Facebook, tandis que le personnel technique de Google est constitué de 18% de femmes. J'aimerais savoir le chiffre pour Yahoo, étant donné que Marissa Mayer, qui est au sommet de Yahoo, est une femme. Mais bon, c'est pas dans l'article, hein? Et dire que le premier algorithme destiné à être exécuté par une machine a été écrit en 1842 par une femme, la pionnière de la science informatique Ada Lovelace. Et finalement, Circuit City, le Circuit City revient des morts encore une fois. En 2009, la chaîne de magasins électroniques Circuit City avait fermé. Systemax, le propriétaire de Tiger Direct, avait acheté le site web et la liste de clients de Circuit City avait continué la marque jusqu'en 2012. À la fin de l'année passée, Systemax a décidé de fermer sa portion technologie d'entreprise. Et ils ont donc vendu la marque, donc deux fois défunte, Circuit City. Et maintenant, une autre compagnie a encore acheté la marque et veut essayer de ramener les magasins physiques. Hein? Donc, on peut pas dire qu'ils n'auront pas essayé plusieurs fois. On va espérer pour eux que ça fonctionne. Leur plan a été décrit à Twice, en fait, et la publication a brisé cette nouvelle-là sur Internet. Ça va commencer à l'été qui s'en vient, avec un site web et un seul magasin à Dallas. Ensuite, il pourrait y avoir 100 magasins autour du pays plus tard, pendant la prochaine année. Voilà. En comparaison avec les gros magasins qui sont propriétés de grosses corporations, la marque serait franchisée. Donc, on prévoit développer des kiosques et des affichages, donc des displays, avec des articles à moins de 30$, comme des téléphones cellulaires ou des câbles. Et ça devrait entrer dans des magasins existants déjà. Donc, on va avoir des magasins avec à l'intérieur un Circuit City. On parle entre autres de coop, par exemple, peut-être pas de coop, mais de magasins dans des universités, entre autres, des dépanneurs ou des supermarchés pour avoir des Circuit City à l'intérieur, hein, pour avoir l'air de plus en plus cheap, finalement. Les magasins normaux feraient entre 2000 et 4000 pieds et les petits magasins feraient peut-être 1500 pieds carrés. Voilà pour le retour de Circuit City. Évidemment, on connaît la Circuit City au Québec, surtout pour la fois qu'ils étaient en co-marquage avec La Source. Vous vous rappelez peut-être qu'au début, lorsque Radio Shack a été vendu au Canada à Circuit City, on avait appelé ça La Source par Circuit City pendant un certain bout de temps. Et après quelques mois, on avait enlevé la mention Circuit City et c'était devenu La Source parce que je crois que c'est... Il me semble que c'est Bell qui est propriétaire de La Source en ce moment. Il me semble, on va aller voir, hein? Pourquoi pas. On a le temps en masse. Attention, on descend en bas de la page, descend plein de rabais qui disent être des rabais, mais qui dans le fond juste le prix normal. Ouais. Donc, La Source, Belle Electronics, exactement, c'est ce que je pense. Bref, hein, j'ai-tu dit que c'était fini pour cette chronique-là? Parce que c'est le cas, c'est terminé. On était rendu à entendre une autre pièce de chiptune, et cette fois-ci, c'est The Arcade Downstairs, qu'on s'en va entendre par l'artiste Comb Over Cat. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou! vous êtes à CIFU. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. Yeah. Mibri et Back to Brainstar. On m'a dit plein de show et juste avant, on a entendu The Arcade Downstairs par Convert Cat. Voilà. Maintenant, ben, c'est le moment de retourner en arrière dans l'histoire parce que voici C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Technician! C'est un fait Tech Edition, la chronique dans laquelle on retourne dans le passé pour aller voir ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Commençons. En fait, on est en retard un petit peu. On a le mois de janvier à faire. La dernière fois, on s'était fait le mois de novembre et octobre. Novembre et décembre. On est rendu à janvier. On fera février une autre fois. À un moment donné, il y a une chose à faire. Donc, 1er janvier 1939, dans un garage de Palo Alto, en Californie, William Hewlett et David Packard ont fondé Hewlett-Packard, une petite compagnie là, qui faisait des oscillateurs audio et plus tard des touchpads. En 1983, nouveau protocole Internet and Transmission Control Protocol, donc le IP-TCP à ce moment-là, qui s'appelle maintenant le TCP-IP, hein, a commencé sur le ARPANET, remplaçant le Network Control Protocol. Le résultat était un nouvel Internet ARPA qui combinait des hôtes du ARPA de ce moment-là. Hein. En 1985, le Nordic Research Network, ou NorduNet, a enregistré le premier nom de domaine nordu.net. Ensuite, le 2 janvier, en 1979, Dan Brickley et Bob Frankston ont incorporé Software Arts pour développer Physical, qui est le premier logiciel de spreadsheet, donc des feuilles de calcul, au monde. Ensuite, le 3 janvier, Hamilton Electric a fait une conférence de presse en 1957 pour annoncer la première montre électronique au monde. La Hamilton Electric 500 n'a jamais eu besoin d'être crankée, c'était seulement des batteries. En 1977, Steve Jobs et Steve Wozniak ont incorporé Apple Computer Company. Ron Wayne, on sait, s'est désisté vendant ses parts pour 800$. En 2009, Satoshi Nakamoto a créé la monnaie virtuelle Bitcoin en postant une annonce et 31 000 lignes de code sur Internet. Le 4 janvier, en 1642, Sir Isaac Newton est né à Woolsthorpe en Angleterre et allait plus tard décrire la gravitation universelle et les trois lois du mouvement. Donc c'était le 25 décembre à ce moment-là, mais en fin de compte, le calendrier n'avait pas encore eu sa réforme, voilà. C'est ça? Ouais, exactement. Réforme des calendriers. Le 5 janvier 1948, Warner Brothers a montré la première newsreel en couleur avec le Tournament of Roses Parade, une parade du tournoi des roses et la partie de football du Rose Bowl. Donc c'est la première fois qu'on montrait une newsreel, c'est un ruban de nouvelles, donc on montrait ces nouvelles-là en couleur. Finalement, en 1984, Richard Stallman a commencé à travailler sur le GNU Operating System. C'était un système d'exploitation à la Unix gratuit. GNU Linux est ce qui est sorti de ça qui est le plus célèbre. Enfin, GNU Linux. Le 6 janvier 1838, Samuel Morse et son partenaire Alfred Vail ont fait la première démonstration en public de leur nouveau système de télégraphe électrique. Au Speedwell Iron Works à Morristown, au New Jersey, ils ont utilisé un code spécifique au Morse pour envoyer un message qui était « A patient waiter is no loser ». Donc, « loser », pardon. Donc, quelqu'un qui attend patiemment n'est pas un perdant. Hein? En 2004, Apple débutait pour la première fois, donc montré pour la première fois le iPod mini. C'était une version 4G du iPod disponible en 5 couleurs à $249. Le 7 janvier, en 1747, Henry Mill a breveté une machine pour transcrire les lettres une après l'autre, donc pour écrire. Tristement, il est mort avant d'avoir perfectionné la première machine à écrire. En 1839, Louis Daguerre a fait l'annonce pour la première fois de son système photographique à l'Académie des sciences de Paris. Les détails n'ont pas été présentés avant août de cette année-là. En 1954, à New York, au quartier général de IBM, IBM et l'Université de Georgetown ont montré leur projet ensemble, si on veut, pour faire de la traduction par machine. Plus de 60 phrases ont été traduites du russe à l'anglais en utilisant 8 règles de grammaire. En 2003, Apple sortait la première version bêta de son furteur Safari. Ensuite, le 8 janvier en 1889, Hermann Hollerith a reçu un brevet pour sa machine de tabulation électrique, donc la Tabulating Machine Company. Plus tard, elle a fusionné avec trois autres compagnies et elle allait se renommer International Business Machines, aussi connue sous le nom maintenant de IBM. En 1982, les États-Unis versus AT&T. On a finalement réussi à se rendre à on s'est finalement entendu. AT&T voulait... voulait abandonner, si on veut, se dissocier d'échanges locaux en échange d'avoir le droit de démarrer la compagnie AT&T Computer Systems. Ils voulaient se débarrasser des autres pour pouvoir partir AT&T Computer Systems. Un peu comme Voltron, la grosse machine allait plus tard se réassembler. Voilà, se rassembler. Ouais. Ouf, pas facile celle-là. Le 9 janvier en 1992, le CEO, le Chief Executive Officer, le haut placé chez Apple, John Sculley, a inventé le terme Personal Digital Assistance, ou encore PDA, et a indiqué que Apple allait en fabriquer plus tard cette année-là, donc en 1992. En 2001, Apple a présenté pour la première fois iTunes pour le Macintosh, donc on pouvait ripper ses CD, organiser sa musique numérique et à aller sur la radio sur Internet. Alors qu'en 2007, le CEO de Apple, Steve Jobs, a présenté pour la première fois le iPod en général, un appareil donc Internet avec... a présenté son gadget qui était dans le fond la fusion d'un iPod, d'un appareil Internet et d'un téléphone en un. Il a appelé ça le iPhone qui allait être en vente plus tard cet été-là. Ça a été quand même assez populaire, hein, je te dis. Ensuite, le 10 janvier, en 1899, un brevet américain a été accepté pour un appareil électrique inventé par David Mitchell qui utilisait des batteries D bout à bout dans un tube de carton avec une ampoule au bout. Les batteries duraient assez longtemps pour un flash de lumière, donc on a appelé ça flashlight. C'est pour ça que ça s'appelle flashlight. En 1949, pour répondre au lecteur de disques 33 RPM de Columbia, RCA a lancé la guerre des disques en amenant un disque 45 pouces de... Pas de 45 pouces, voyons. 45 RPM de 7 pouces de diamètre. C'est un single aux États-Unis. En 2008, Sony BMG est devenue la dernière compagnie, la dernière étiquette majeure de musique à accepter d'enlever les DRM, donc les verrous numériques sur leur musique. Le 11 janvier, en 1954, BBC TV a diffusé pour la première fois leur bulletin de météo en son appel InVision. George Colling du Meteorological Office a présenté, à partir du studio de Lime Grove de la BBC, des cartes dessinées à la main, collées ou en tout cas qui tenaient par des punaises. Voilà. Punaises, en tout cas, tenues à quelque chose d'autre. Bref, c'était des dessins qui étaient accrochés à une surface. InVision Weather Forecast. Ensuite, en 2001, AOL et Time Warner ont complété leur fusion. À ce moment-là, c'était le signal de la victoire d'Internet sur les vieux médias. Time Warner, éventuellement, allait gagner, allait revirer de bord AOL pour la ressortir en tant que compagnie à part. Voilà. Ensuite, en 2001, Dave Weiner, a révélé Payloads for RSS qui permettait, entre autres, les enclosures. Donc, un exemple était un fil RSS qui livrait, par exemple, une chanson de Grateful Dead par jour. C'était ce qui allait devenir plus tard les podcasts ou les balado-diffusions. En 2005, Apple a présenté pour la première fois le iPod Shuffle, un lecteur de musique sans écran et avec une mémoire flash. Et en 2013, RSS 1.0 et le développeur de Reddit Aaron Swartz, le développeur de Reddit et de RSS 1.0, Aaron Swartz, a été trouvé mort après avoir commis un suicide. C'était en 2013, c'est bien triste. Le 12 janvier en 1908, Lee DeForest, un ingénieur et scientifique, a diffusé un enregistrement phonographe. Au sommet de la Tour Eiffel. Non, pas au sommet, juste sur la Tour Eiffel. Je m'excuse, hein, des détails des fois qui sont assez importants, je veux pas les dire n'importe comment. Donc, pour un public de moins de 50 personnes. Cette représentation a été entendue à plus de 500 000 de distance à partir de la Tour. C'est devenu la première transmission de messages radio à longue distance. Voilà. Allons-y avec le 13 janvier. En 1910, la première diffusion radio publique a eu lieu avec une performance en direct de l'opéra Cavalleria Rusticana chantée par Enrico Caruso et d'autres. C'était diffusé de la Metropolitan Opera House à New York City. La transmission avait 500 watts de puissance. En 1928, trois appareils de télévision ont été installés par General Electric dans des maisons de Schenectady, New York, pour pouvoir faire la démonstration du premier récepteur télé au monde. L'image mesurait 1,5 pouces de long. À l'horizontale par 1 pouce de large, donc de hauteur. C'est ça, de hauteur, ouais. 24 lignes, 16 images par seconde. En 1976, Raymond Kurzweil et les leaders de la National Federation of the Blind, l'association pour les aveugles, ont annoncé la Kurzweil Reading Machine, la première machine de texte vers text-to-speech, donc texte à l'oral. Walter Cronkite l'a utilisé pour livrer sa célèbre phrase de fermeture de bulletin nouvelle « And that's the way it was », et c'est comme ça que ça s'est passé le 13 janvier 1976. En 2014, Google annonçait son achat de la compagnie d'appareils intelligents Nest. Ensuite, le 14 janvier, en 1878, Alexander Graham Bell a fait la démonstration du téléphone à la Reine Victoria à sa Osborne House sur l'île de Wight. Voilà. Donc, il l'a... Il l'a approché, il l'a touché lorsqu'il faisait la démonstration de son téléphone. C'était un faux pas qui a fait de lui le premier homme commun et normal depuis des années à avoir touché une personne royale. C'est-tu n'importe quoi comme histoire, ça? En 1973, le concert d'Elvis Presley, Aloha from Hawaii, a été diffusé en direct via satellite et a eu le record pour la diffusion la plus regardée par un entertainer individuellement dans l'histoire de la télé. Et en 2014, la US Court of Appeals du District of Columbia Circuit a choisi d'être donc en faveur de Verizon par rapport aux règles de la neutralité du net de la FCC, ce qui empêchait de bloquer des applications qui voulait faire de la discrimination envers le trafic Internet, le système à deux poids deux mesures, comme on l'a appelé à l'époque. Alors, on est à la moitié. 15 janvier en 1759, le musée britannique et British Museum de Bloomsbury à Londres, le plus vieux musée national public, a ouvert au public. L'entrée était gratuite pour les personnes qui étaient curieuses et studieuses. En 2001, Wikipédia, l'encyclopédie Wiki à contenu libre et gratuit, était en ligne pour la première fois. C'est un projet de Newpedia, donc une encyclopédie écrite par des experts en ligne. En 2013, Facebook annonçait son Graph Search, l'amélioration de son système de recherche où on pouvait taper, people who work at, ou people who are friends with, blablabla. On n'a jamais eu ça dans la version française, ça fait donc 3 ans de ça, et on l'a toujours pas. Il faut avoir le Facebook américain pour le voir. Ensuite, en 1986, l'Internet Engineering Task Force s'est rencontré pour la première fois à San Diego pour superviser le design et le déploiement de son protocole Internet. En 2007, Blizzard lançait la première expansion à son jeu World of Warcraft, The Burning Crusade, a permis aux gens de s'amuser dans leur monde virtuel préféré. En 2007, Netflix a annoncé qu'ils allaient commencer à offrir des films en streaming en plus de louer des DVD. Donc les films au début étaient seulement streamables sur les PC Windows pour les gens qui avaient au moins 3 mégasecondes de service Internet. Et c'est plus tard sorti pour tous les gens qui étaient inscrits à Netflix au mois de juillet 2007. Évidemment, on connaît seulement ça au Québec et au Canada, la version streaming. Mais à la base, c'était des DVD qu'on pouvait louer. En fait, aux États-Unis, ils le font encore. Ils ont même essayé de faire une compagnie à part entière avec ça. Ça n'a jamais marché. Ils sont revenus au modèle de Netflix avec les DVD. Allons-y avec le 17 janvier. On vient avec 1871. C'est Andrew S. Halliday qui a reçu un brevet pour un système de... En anglais, on appelle ça Endless Wire Ropeway. Ce qui allait plus tard devenir le système des cable cars, tu sais, les voitures qui sont attachées à des fils à San Francisco, aux États-Unis, en Californie. C'est quand même vraiment cool. Ensuite, en 1882, Thomas Edison a reçu un brevet pour ajouter un microphone de carbone à son téléphone. Le brevet décrivait donc les matériaux, comme le carbone, entre deux demi-sphères de métal montées sur des bras qui s'attachaient à un diaphragme. Bref, super complexe, mais c'est le brevet qu'il a reçu. Aussi, comme brevet en 1928, Anatole M. Josepho qui a reçu le premier brevet américain pour un système de développement de photos automatiques, complètement automatiques. Le photomaton, qu'on appelle photo booth aux États-Unis, on appelle ça photomaton ici, est maintenant devenu, je te dirais, plus des applications sur téléphone cellulaire ou sinon des trucs dans des endroits plutôt louches. Même le Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, ça n'a même plus ça. Ensuite, allons-y avec le 18 janvier. On va terminer bientôt, je pense qu'on ne se rendra pas jusqu'à la fin du mois, mais en 1902, Nikola Tesla a breveté, en tout cas, passé son brevet pour une application de transmission d'énergie sans fil. Le brevet a été donné 12 ans plus tard. C'est toujours pas réglé cette histoire-là, le Tesla. Ensuite, plusieurs sites web en 2012, dont Reddit, Wikipédia et d'autres, ont fait le blackout Internet, on se rappelle de ça, pour manifester contre SOPA et PIPA. Donc ça, c'était en 2012. En 1903, la première communication transatlantique à double sens, donc aller et retour, et le premier télégramme sans fil a été envoyé entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Le président américain Teddy Roosevelt et le roi Édouard VII, ils se sont écrits de gentils messages pour se dire comment c'est le fun de se télégraphier sans fil. Ils ont bien raison. On va terminer avec le 19 janvier. En 1883, le premier système de lumière électrique en utilisant des fils qu'on a par-dessus la tête, donc au-dessus de poteaux, est arrivé à Roselle, dans le New Jersey. En 1983, Apple sortait le Lisa, le deuxième ordinateur commercial avec interface graphique pour utilisateur, donc le Graphical User Interface, le GUI, après le Xerox Star, qui était le premier. Ça ne coûtait seulement que 9 995 $. Hein? Et finalement, en 1986, Brain est devenu le premier virus sur ordinateur à sortir, à devenir sauvage et faire des ravages partout sur Internet. C'était un virus boot sector, donc directement à la base de l'ordinateur avant même que Windows embarque. C'est transmis par disquette. Les Farooq Alvi Brothers, donc les frères Farooq Alvi de Lahore au Pakistan, ont créé ce virus-là. C'était en 1986. Voilà. Il nous restera le reste du mois de janvier, le 20 à 31. Mais à un moment donné, il faut bien arrêter parce qu'on doit se quitter pour une autre édition du Mathieu Planchot. Le temps que je parte ma musique de fin, là, c'est ce qui signale la fin de l'émission. Vous savez, il faut entendre le petit « Ah, voilà! » Voilà, que c'est donc beau!